Pour 18 observations, exclamation, admiration et critique. Admiration ? Quel plus non ? Quel beau ciel ! Que plus verbe ? Que le ciel est bleu ! Critique ? Quel sale temps ! Qu'il fait mauvais ! Le mot exclamatif « quel » précède un nom. Le mot exclamatif « que » précède un verbe.